Bon, les amis, on est reparti encore pour une journée de randonnée. Toujours avec Riri, de toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. Et cette fois-ci, on change de direction. On part. C'est rare qu'on aille d'ailleurs l'hiver vers là-bas. Et on va en direction du Lautaret. Et on va tester, parce que c'est vraiment le mot, c'est tester un nouveau refuge qui vient d'ouvrir au mois de janvier, là, qui s'appelle le Clos des Vaches et qui est vers Pont de l'Alpe. le pont de l'Alpe au départ et le col de la Poinçonnière en haut, c'est ça? Ouais, vers le Grand Ouais, Lac. vers le Grand Lac. On ne connaît pas trop, on ne sait pas, on vous racontera un petit peu tout au fil de la journée. Serse. Voilà, c'est en fait c'est ce qui peut faire un peu le. C'est un refuge qui a été créé parce qu'il y avait un manque, il y avait un petit trou dans le tour des Serses là, et puis ça permet de. Voilà. Et c'est un refuge qui doit être ouvert assez régulièrement, donc on vous proposera certainement d'y aller faire un tour. La météo, c'est pas trop mal, on va dire. Et il fait pas froid, le ciel est, on va dire, Il pleut relativement bleu. pas, Voilà. il fait beau. Voilà. Et puis on vous raconte un petit peu. Allez, ciao! Donc on vient de se rendre compte qu'en fait il y a des panneaux tout au long du parcours, on va dire, qui vont de 1 à 10. Et là, donc ça fait un Même à gros. 11, Il y en a numéro 11. 11. Et nous, on est là au panneau numéro 3. En fait, ça fait des petits commentaires. Là, c'est sur le panneau sur la forêt, je crois, tu m'as Ouais, dit. avant c'était l'eau. Donc le premier c'est ce qu'on a lu, le pont de l'Alpe. Après il y a l'eau, la forêt. Ça explique toutes les fonctions de la forêt, les organismes. C'est pourquoi il ne faut pas déforester. Voilà, Et un peu tout ça. donc du coup, je pense qu'on va vraiment organiser ça. Parce que c'est très sympa. Bon, c'est un peu raidasse, mais ça va. Puis le Ouais, chemin est ça. bien tracé. Il faut des crampons. Voilà, donc ça fait pas 3 quarts d'heure, ça fait le midi là en gros. Et on vient d'arriver, on a même. 40 minutes en fait. Voilà. On est bien au-dessus de. On a Roche-Repère, c'est un petit amas de chalets juste au-dessus là, avec toujours la rivière, contrebas. Et là on a un panneau en fait qui nous indique que le refuge est à 1 km 100. Donc en gros, et là c'est moins bon d'ailleurs là. Dans les premiers chalets de Roche-Repère, c'est plus trop damé, ça on s'enfonce et tout. 1,5 km, je pense que même en mettant 1 heure, on sera là-haut là, largement avant 13 h. Donc en gros, voilà. Je pense qu'on en apprend au moins encore une grosse demi-heure, 3 quarts d'heure. On va y aller tranquille, à moins que ce soit meilleur après en tout cas. Allez. Ouais, je pense à Londres. En plus, ça, on va arriver à Londres. Là, on est au sol, il fait une chaleur de dingue, quoi. Et on est à 1950 mètres et moi je transpire en tout cas. Je parie Eric, tu Ouais. transpires. On pensait avoir froid aujourd'hui, mais non. Le Il Briançonnais, pleut. toujours Briançonnais. On attend que les gabanciers nous fassent un petit peu des vocaux comme ça pour savoir un peu Ouais, mais ils ont pas de beau paysage. les nuages, la pluie. Parce que où il pleut quoi, c'est vrai que nous, chez nous il neige et vous, chez vous il pleut. Allez, j'arrête de vous brancher, va. Ciao. Bon les amis, on est au numéro 7. Ça rapproche quand même là bien, mais ça fait 25 minutes qu'on est parti de Roche-Robert. On a monté vraiment pas mal, mais il aurait fallu les raquettes. Les raquettes, elles sont dans la voiture au chaud. Et nous, pour le coup, on s'enfonce pas mal. Il y a des moments, d'un coup, ça porte, alors on se croirait sur une autoroute, et puis d'un coup, jusqu'au genou, voire. Voilà. Et puis, on est tout à l'ombre. Et on rattrape un groupe là. Puis le panneau 7, c'est des risques naturels, c'est ça, Eric? Allez, on fera ça avec vous de toute façon. Bon, là, on arrive enfin. Mais c'est vraiment fou, hein. Il y a tellement de traces de partout que tu sais pas laquelle prendre. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait, Eric? On fait notre trace nous aussi, du coup. On est parti tout en travers. Parce qu'il fallait redescendre et remonter sur le refuge. Du coup, Eric, on a gardé la tangente plus haut. Et on traverse, mais ça aurait été une super journée raquette, quoi. Mais nous, on n'a pas de raquette. Mais ce qui est fou, c'est la qualité de la neige, quoi. Là, on a repris le soleil, c'est superbe. C'est vraiment très très bien, quoi. Et on aura presque mis 2 heures, cette connerie. Hein. Bon, voilà, on est au refuge, premier repas au refuge du Clos des Vaches. Ce qu'on peut dire, Iris, c'était comment? Très bien, Voilà, la bouffe est bonne. on a bien mangé. C'est un refuge qui est relativement petit, tout compte fait. puis Eric me disait qu'il y avait à peu près 4 grandes tables de 6-8 personnes. Bon, on va dire au plus, ça fait 8 fois 4, 32 quoi. Et c'est un refuge qui est assez lumineux, parce qu'il y a beaucoup de vitres, c'est ça, sur, chaque, sur trois côtés à peu près. Ça fait penser un peu au Chardonnay. Un peu au Chardonnay, voilà, dans l'esprit. Et un long et un court. Ouais. Ok, donc un allongé et un court. Ouais. Donc en prime, vous avez vu la voix de la serveuse, du coup. Donc c'est moi qui bois l'allongé et c'est Riri qui boit l'espresso. Voilà, autrement on avait mangé, on a mangé des crozets avec un peu de la crème, un œuf au plat et de la charcuterie, c'était très bien. Et puis en dessert, une tarte amandine myrtille, c'est ça pour Riri. Et moi je me suis laissé tenter par une crêpe à la crème de marron. Voilà, et là on fait le café et puis on va commencer à penser à redescendre parce que le temps passe. Bon, Eric vous fait une photo, donc vous l'aurez tout à l'heure. Il est 15h passé, je crois 7 ou 8, je ne sais pas regarder, je ne me rappelle plus. Et là, on repart. Et du coup, on se dit, pourquoi nous n'avons pas pris les raquettes? Parce que là, c'est vraiment super. Donc, on refera ça. Mais c'est la même galère. Oui, bah, oui, sans les raquettes, c'est la même galère. Mais ça va descendre, je pense qu'on va on sera moins fatigué. Mais là, si on avait eu les raquettes, c'était vraiment fabuleux, quoi. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Wonderful, magnifique. Nous voilà de retour au panneau numéro 7. Et comment vous dire, on a fait une trace directe là pour le coup. Au lieu d'aller tourner pour s'économiser un tout petit peu, là on a fait une descente, mais en courant, on va dire, quasi courant, et c'était super quoi. Raquette par raquette, là ça joue. Voilà, et à la ramasse, comme on dit. Et en fait, on est surpris parce que là, il est 15h40, je crois, c'est ça. Ouais. Et en fait, on est encore en plein soleil. Et c'est fabuleux. Ouais, c'est Briançon. Ouais, comme dirait Riri, c'est Briançon, quoi. Le Briançonnais. Le soleil est toujours là. Et on vient d'arriver en bas, et en fait, juste de l'autre côté du torrent, il y a un bouquetin. Eric, vous prendre la photo? Du coup, je sais pas si vous allez avoir la photo. Parce que c'est il est coquet, le bouquetin, il se cache. Il a vu qu'Eric, il l'avait vu. Il a regardé dans les yeux. Il a dit, toi, tu m'auras pas. Il se cache dans les arbres. Ah, il a des bacs sur les oreilles, il me dit. Moi, je connais un autre qui a un bracelet électronique à la cheville. Ha ha! Riri s'arrête. Mess. Moi je voulais faire le bilan de la sortie. Riri s'arrête. Ah, il va écrire en même temps. Donc moi je vous fais le bilan de la sortie. Donc il est 16h30. Alors, le temps, on est déjà dans la voiture, on est reparti. Donc en gros on a mis 1h20 de descente en gros. Et la sortie totale fait 10 km et un peu plus de 600 mètres de dénivelé. Donc c'est une belle sortie. Et je pense qu'il est, voilà, sera vraiment à refaire avec vous, il n'y a pas de souci. On a vraiment passé un bon moment, encore une fois, toujours pareil, les aventures de Mimi et Riri à la neige. Rendez-vous au prochain épisode. Je vous passerai 2 minutes. Ben écoutez, c'était super, un peu dur parce que la neige est molle, très molle même. Belle rando, donc tout va bien. Et comme on disait dans le refuge, ça fait du plaisir de trouver un nouvel endroit, quoi. C'est, je pense que des refuges qui ouvrent vers chez nous, c'est assez rare quoi. Et là le refuge est beau, il est relativement petit, il n'est pas surdimensionné. Et dans un très très bel endroit. Et je pensais à Kirsten quand on était là-haut. Et elle qui aime la raquette, à gauche, elle va s'éclater. Je languis de la monter là-haut. Du moins c'est elle qui va me monter et après on verra. Allez, ciao.